Olivier, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Avec ta complice Claude Feny, vous formez tous les deux le noyau de cette formation musicale qu'est Rosa Crux. Comment vous êtes-vous rencontrés et finalement, quelle a été la genèse du groupe ? Alors, on s'est connus complètement par hasard dans le collège, on est des amis d'enfance en fait. Donc, dans les petites classes, je me suis très vite rapproché de Claude parce qu'elle était pianiste, en fait, pianiste enfant. Il y a des gens comme ça qui jouent du piano depuis l'âge de 5-6 ans. Elle, c'était son cas. Et à l'âge de 12-13 ans, elle avait déjà un niveau assez élevé. Ses deux parents étaient pianistes aussi, donc des pianos à la maison, une formation familiale mais quand même basée sur du solfège, etc. Et moi de mon côté, ben j'ai eu un père qui était professeur de chant, qui m'a mis très jeune dans une chorale, donc j'ai été baigné très tôt aussi dans une ambiance de musique. Et on était un petit peu comme ça, les deux petites exceptions de cette école à pouvoir communiquer ou se lancer éventuellement dans un projet en commun. Et c'est le hasard qui le temps fait une sorte de sélection naturelle et petit à petit les gens qui ont plus d'affinité trouvent des projets en commun, d'autres se séparent et on a continué très naturellement. Il y a une entente qui s'est faite de façon vraiment spontanée, naturelle. C'est une grande histoire d'amitié en fait. On s'est suivi, on a travaillé avec d'autres gens, on s'est lancé sur des projets qu'on a continué. Et Claude et Olivier, c'est un petit peu deux jumeaux qui peuvent compter l'un sur l'autre. Avec le temps, ça devient plus que d'amitié. Ça devient vraiment une espèce de collaboration, d'association aussi bien financière que de confiance, que de tas de choses, autant au niveau de la direction. Enfin bon, voilà, il y a une espèce d'équipe, de noyau comme ça qui s'est fondée. Et donc Rosa Crux, c'est vraiment ça. C'est ces deux personnes qui sont. Ils sont là, ça fait une base solide pour les gens qui viennent s'y greffer parce qu'on a bossé avec énormément de musiciens. Et dans un groupe, c'est important parce que beaucoup de groupes se séparent ou split parce qu'il y a des problèmes d'entente. Et avoir un noyau comme ça assez fort, c'est important. C'est le secret de Rosa, c'est ce qui fait que ça existe encore aujourd'hui. Je crois que sinon, ce serait un projet qui serait déjà tombé à l'eau parce que c'est des choix très difficiles. Hein. Au niveau des musiques, c'était pas évident, c'était pas gagné d'avance. Là, le but, c'était vraiment de faire une recherche, de poursuivre dans nos petites idées, quitte à se mettre des tas de salles et de publics à dos parce que c'est pas une musique facile d'approche. Voilà. Mais bon, le temps n'a pas tellement d'importance. Le fait que ça marche un peu mieux aujourd'hui qu'avant n'est pas non plus une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. On a l'impression d'avoir juste mûri et d'être un peu mieux capable de présenter ce qu'on avait déjà là, parce que les morceaux souvent sont très vieux, mais on n'avait pas la maturité peut-être nécessaire pour la présenter de façon claire et audible. C'est un peu comme deux autistes qui ont fini par trouver une façon de communiquer de façon un peu plus compréhensible avec l'extérieur. C'est assez... Je fais une autocritique assez sévère, mais bon, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est propre à tous les groupes qui font des musiques expérimentales. Quand on prend un groupe comme Neubauten, par exemple, Neubauten, dans les années 80, c'était un bazar sur scène. C'était complètement inaudible. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus propres que jamais. Et pour moi, c'est un groupe beaucoup plus actuel maintenant qu'ils ne l'ont jamais été. Enfin, voilà, c'est propre aux musiques expérimentales. Il y a une technique aussi qui a évolué, hein, qui permet qu'on peut, avec un peu plus de facilité, présenter des choses difficiles d'approche. Pour moi, Rosa Crux, c'est un groupe qui s'exprime pleinement maintenant. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a des gens de tout âge qui viennent, qui ont envie de chanter avec nous. Chanter avec vous dans le Rosa Cordis, le chœur qui vous accompagne sur scène en concert. Cette chorale, avec les projections et les performances, participe de cette démarche audiovisuelle qui te tient à cœur. Pour en donner une idée, vous avez sorti un DVD il y a un peu plus d'un an, ce qui était une première pour vous. Ce coffret a été édité par le label allemand Trisol, alors que vous avez fonctionné pendant des années en autoproduction. Quels ont été les retours après la sortie de ce coffret DVD ? Alors c'est à la fois très encourageant et très très décevant, enfin très très je sais pas comment dire. Quand on a travaillé en autoproduction pendant des années, pendant presque 15 ans, on a toujours mis à peu près une année avant de 1000 copies de chaque produit, voilà. Et un label comme Trisol arrive et vend 2000 copies en 3 mois. Ça fait mal, c'est très énervant. Bon, on se sent propulsé tout d'un coup à une autre échelle. Mais en même temps, quand on est avec un label comme ça, il y a concrètement rien qui revient. Je veux dire, c'est pas La seule chose qu'un groupe peut espérer à ce niveau-là, c'est de faire un peu plus de concerts, d'avoir une notoriété un peu plus grande. Mais concrètement, sur le disque, une fois qu'on le rend au label, c'est fini, on n'entend plus parler. C'est... Il y a des petits droits d'auteur qui tombent, des petits machins comme ça, mais c'est donc on sait pas, c'est trop tôt. Tout a été vendu, on sait que ça va être repressé. On est en train petit à petit de se rendre compte qu'il a été surtout vendu en Allemagne, en Hollande, Belgique, etc. Très très peu en France, à peu près au compte-goutte. Il y a eu peut-être 200 ou 300 exemplaires qui ont circulé comme ça, ouais. Souvent en revenant en export. Enfin bon, c'est. Mais alors. Quels échos avez-vous eu par rapport au public ou à la presse ? C'est trop tôt. Honnêtement, c'est trop tôt. On n'a pas eu de véritable contact avec des critiques. Ou alors, 2-3 personnes trop proches pour que ce soit forcément objectif. Donc, je sais pas encore. On n'a pas vu de nette différence. Par contre, nous, d'un point de vue personnel, on espère avoir rempli une petite mission par rapport au groupe qui était de le présenter d'une façon assez large en répondant surtout, c'était l'objectif qu'on s'était fixé, de répondre aux questions de base que quelqu'un pourrait se poser ou les questions un petit peu tendancieuses ou vicieuses, parce qu'on joue quand même avec des sujets qui peuvent gêner certaines personnes. On joue avec le sujet de la religion, on joue avec le sujet de la mort, on joue avec 2-3 tabous comme ça. Même le nom de Rosa Crux, hein, il y a les sectes rosicruciennes qui existent dans tous les sens. Ça m'a même gêné moi-même alors que j'ai choisi ce nom quelques années après, quand j'ai fini par comprendre à quel point c'était quelque chose qui existait partout et qui était aussi. Je pensais que c'était vraiment à l'époque quelque chose qui était passé, qui n'était plus du tout d'actualité. Bon, en même temps, ça a redémarré, hein, dans tous les sens. Bon, on a fini par l'assumer, le faire, et puis par comprendre que finalement il y a tellement de groupes, il y a des centaines et des centaines de groupements comme ça qui n'ont aucun lien entre eux, et c'est quelque chose qui appartient vraiment à l'histoire, qui n'est pas du tout, dire personne ne peut s'approprier ce nom-là plus qu'un autre, donc bon, pourquoi pas, c'est pas. Maintenant il y a un problème d'information et de communication à faire. Donc on a répondu à toutes ces questions. Voilà, c'était vraiment l'objectif d'arrêter. Toutes ces petites choses qui peuvent être gênantes et qui font que les gens finalement n'écoutent pas vraiment la musique. Il fallait répondre à ça pour dire aux gens, bon, maintenant que tout ça s'est réglé, si nous écoutions et si nous regardions ce qui se passe, hein, au niveau de notre travail, parce que le but de ce DVD c'était ça. C'était, alors est-ce que les retombées pour moi seraient positives si on a réussi à passer à autre chose et à casser cette espèce d'image négative que malgré tout le monde se pose plus ou moins, hein. Même dans la scène, à l'intérieur de cette scène, il y a des gens qui se méfient, ouais, une tendance à se méfier. Voilà. Il y a des trucs très très tabous encore. On est loin d'avoir franchi certains caps. Darwin n'est pas reconnu par tout le monde, hein, on n'en est pas encore là, par exemple. C'est vrai que l'esprit de clocher existe aussi au sein du public gothique. Mais s'il y a quelqu'un qui est reconnu par tous, néanmoins, c'est bien Rose Williams, qui fut le légendaire chanteur du groupe Christian Death. Only Theatre of Pain, leur premier album sorti il y a 25 ans, a d'ailleurs fait l'objet d'un tribute to Only Theatre of Pain, album hommage édité par le label français Alone Prod et auquel vous avez participé. Comment s'est passée la collaboration avec Hélène, qui dirige le label, pour faire aboutir ce projet ? C'est Hélène qui a pris contact à un moment où son projet n'était pas complètement dessiné encore. Je sais qu'elle a pris contact avec 2 ou 3 groupes, et c'est quand ces 2 ou 3 groupes ont répondu présent qu'elle a vraiment lancé son projet. Alors, étant elle très proche de Jackie Beach, elle savait que Jackie Beach serait partant. Je pense que sinon, elle aurait même pas. Nous, on a répondu présent aussi parce que on a toujours eu une énorme attirance avec l'état d'esprit de Christian Death. Peut-être même plus qu'avec le trip du death rock ou autre, mais je veux dire c'est le rapport de Rose Williams avec la religion qui était très très intéressante. Enfin, pour moi, c'est un des personnages qui a osé braver justement ces tabous, qui a osé se montrer avec une couronne d'épines, qui a osé risquer sa vie, sa carrière sur des choses qui dérangent tout le monde. Et en ce sens, c'est quelqu'un de d'un peu plus culotté que les autres. Et puis on a un petit passé aussi au niveau de Rouen avec ce groupe, parce que le groupe Christian Death, en arrivant des États-Unis, a débarqué à Rouen avec le label Invitation au Suicide, et ils avaient ressorti donc leur disque avec ce label-là. Ça a été, en fait, c'est un label rouennais à qui on doit le succès de Christian Death, sinon ce groupe serait complètement... Bon, ou alors ils auraient trouvé un autre label, c'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, c'est cette personne qui s'appelle Yann Farsi qui a incité Rose Williams à venir ici, à reformer un groupe. Et c'est là où Valeur et compagnie se forment avec lui, parce que le groupe d'origine n'avait pas suivi à l'époque. Bon. Donc, il y a eu ça. Et puis surtout, il faut savoir qu'on était à l'époque chez un tourneur, un label qui s'appelait Mother Dance en Allemagne, qui s'occupait d'Evao. Hein, qui était la compagne de Rose Williams. Et donc on a eu envie, mais alors complètement indépendamment de ce projet de CD, on avait très envie de faire un concert avec Evao et les membres fondateurs de Christian Death, parce que c'était les 25 ans de la mort de Rose Williams. Voilà. Donc on avait organisé ce concert à Rouen, et je pense que un petit peu à différents endroits, il y a plusieurs personnes qui ont eu envie de marquer le coup de ces 25 ans. Donc Evao qui reprend contact avec les membres fondateurs de Christian Death pour faire une tournée d'un an et demi à peine, en reprenant tous les morceaux de Only Theater of Pain. Donc on a organisé ce concert à Rouen avec eux. Et il s'est pas fait à Rouen d'ailleurs, il s'est fait à Paris, mais bon, c'est une autre histoire. Et parallèlement à ça, je crois que dans la même semaine, je pense qu'Hélène comprend que de façon inattendue, parce qu'on pourrait se demander quel lien il peut y avoir entre Rosa Crux et un groupe de death rock, ça peut paraître curieux. Elle comprend que bon bah qu'il y a des goûts ou des intérêts comme ça qui se regroupent, et elle nous propose de participer à cette compilation. Donc tout ça s'est fait en même temps. Tu voulais bien sûr dire les 10 ans de la mort de Rose Williams, qui coïncident peu ou prou avec les 25 ans de la sortie de son premier album. Mais je ne te cache pas que comme le label Alone Prod est plutôt connu pour ses productions post-punk et cold wave, votre présence sur ce disque hommage m'avait surpris. Comment s'est fait le choix du morceau Stairs que vous avez repris dans une traduction latine ? Alors Hélène m'a laissé plus ou moins le privilège du choix du titre avant que d'autres groupes ne choisissent. Et j'ai choisi Stairs parce que, justement, tu me demandais le lien qu'il peut y avoir entre un groupe comme Rosa et un groupe comme Christian Death. Et ben, le sujet de Stairs, qui est une véritable messe noire, hein, Satan be God, c'est un morceau sur Satan. Il fait des jeux de mots entre Satan sera Dieu, Dieu sera chien, parce que God et Dog en anglais c'est une lettre qu'on inverse. C'est un morceau où il fait des tas de jeux avec des mots qu'il inverse, qu'il retourne, qu'il prononce à l'envers, des choses absolument intraduisibles que des gens se sont tués à essayer de traduire, mais en fait il a juste réversé des phrases phonétiques. Donc à ce niveau-là, mais c'est des choses qu'on fait tous les jours, nous, avec Rosa. Pour avoir discuté longuement avec Yann Farsi du label Invitation au Suicide, qui est quand même un label rouennais, il me disait que Rose Williams était un véritable dandy, c'était pas du tout un rocker. Il avait une attitude de dandy, il était très soigné, comme je sais pas, quelqu'un qui prenait vraiment soin de lui. C'était pas du tout quelqu'un qui ressemble au public qui va l'écouter aujourd'hui. C'était une espèce de dandy suicidaire mélancolique, qui était complètement obsédé par le Christ, qui faisait presque une sorte de transposition de personnage. Je veux dire, J'ai demandé, quand on a préparé ce concert à Rouen, à Yann Farsi, qui est quand même la personne, hein, un producteur c'est pas rien dans un groupe, qui est quand même la personne qui a un peu ressuscité et permis à Christian Death d'avoir la notoriété qu'il a aujourd'hui, de m'écrire une petite phrase pour marquer le coup. Et il m'a écrit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, ceci est mon âme », quelque chose du genre, en faisant parler Rose Williams, hein, et en disant que ça resterait une espèce de dandy éternel qui a offert son corps au... Il y a un rapport avec la religion qui est très fort, avec le tabou en tout cas. du sujet religieux. Et en ce sens-là, c'est peut-être du death rock, c'est peut-être tout ce qu'on veut, mais c'est surtout très gothique dans l'esprit, parce que on s'attaque à, aux deux, trois petits sujets qui fâchent. Et Rosa, c'est pareil, toutes nos paroles, tous nos thèmes sont basés sur le tabou de la mort, le tabou de l'anticlérical, tous nos textes viennent des évangiles, des paroles de l'Apocalypse de Matthieu et autres, mais c'est une façon de les retourner, de les faire redire dans un autre contexte, et en ce sens-là, c'est un véritable blasphème, je veux dire, pour un curé un petit peu... au courant des textes en latin, on est en train de dire, j'ai des paroles où je suis en train de dire Benedicamus, qui veut dire je vous bénis comme un prêtre le ferait à la messe, hein. Donc oui, Christian Dess avait ça aussi, et dans ce sens là le lien il est complètement direct. Alors ils sont pas en Europe, ils sont aux États-Unis. Il y a après le contexte du pays qui est différent. Le post-punk ne s'est pas passé de la même façon ici que là-bas, ou qu'en Irlande avec des groupes comme les Virgin Prunes par exemple. D'ailleurs, en Europe, on parle plus facilement de Bad Cave et aux États-Unis de Death Rock, alors que les deux sonnent parfois de manière identique. Oui, en tout cas un esprit qui est le même, et après chacun le traduit avec son héritage musical ou rock. Ils sont beaucoup plus rock, biker et compagnie, donc c'est... Ils ont leurs choses à eux au niveau de la façon dont ils vont exprimer leurs sentiments religieux, anti-religieux ou dark, enfin on l'appelle comme on veut, c'est pas. Et pour aller à l'autre bout, si on prend les Virgin Prunes qui sont en pleine terre d'Irlande et qui s'amusent à ressortir tout leur délire de druide et de compagnie, ça sonne pareil, mais au niveau du sujet, le fond, l'âme de ce qui fait que le groupe, son essence, c'est des points absolument identiques. Et en ce sens-là, on a bien traduit les choses, donc j'ai pris les paroles. Satan be God, enfin je sais pas, et j'ai juste traduit ça en latin, du mieux que j'ai pu. Et Satan, dire ça en latin, je l'ai renversé, en reprenant son principe de renversement, ça a donné Anas, et ce qui m'a donné Ante. Et en fait, Antea veut dire Satan à l'envers, phonétiquement. Tu retournes ça fait Stant, et c'est le mot Satan. C'est une façon très détournée de le dire, mais c'est le même mot. On vient d'évoquer le latin, qui est la langue dans laquelle vous chantez presque exclusivement. Vous n'êtes pas les seuls à utiliser des langues médiévales ou antiques. Il y a Démonia Nymphe qui chante en grec ancien, par exemple. Mais n'êtes-vous jamais intéressé par d'autres langues que le latin? Après tout, la Kabbale est écrite en hébreu. Enfin, Aglon est en hébreu, Elielo, ce sont des mots de la Kabbale. Alors, c'est, le latin ou l'hébreu, en fait, c'est pas très important. Ce qui m'intéresse, c'est le sujet. Le sujet sur Rosa, c'est la sorcellerie, c'est la phase B de la religion. Et pourquoi l'hébreu? Parce que les sorcières s'amusaient à parler. Donc, je veux dire, ces langues-là, voilà, je les ai retrouvées dans des vieux grimoires, dans les grands albers et machin, et les clavicules de Salomon et compagnie. Et c'était complètement provocateur vis-à-vis des religions officielles de parler dans ces langues. Donc, les prières des sorcières en Europe, en France, en Angleterre, partout, dans les grandes périodes de sorcellerie, etc., c'était écrit dans ces langues-là. Donc c'est la seule et unique raison. C'est pas pour le plaisir de chanter en latin. C'est, les messes antiques étaient en latin, donc les anti-messes antiques sont en latin aussi. Nous venons d'écouter Aglone, que vous avez joué en concert ce soir dans le cadre du festival La Nuit des Ombres. C'est une première édition de ce festival novateur, organisé par une nombreuse équipe menée par Nathalie, qui nous avait présenté ce projet atypique dans Clair-Obscur. Le cadre est original. Nous sommes dans un fort Vauban, qui domine la ville de Grenoble, sur un pic auquel on accède en téléphérique. Raconte-nous la façon dont le contact a été pris et la manière dont vous vous êtes approprié les lieux. Bah écoute, pour te... En fait, tout ça, ça a commencé très tôt, par téléphone, par MySpace, par discussion interminable, parce que faire un concert comme ça dans un endroit aussi sauvage, c'est une première pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour Nathalie, justement, qui en est à son premier gros festival. Elle a fait un vrai sans faute. Le public a suivi de façon assez timide par rapport à ses espérances. Elle aurait aimé avoir 300 ou 400 personnes. On était à 200 et quelques. Bon, c'est un peu juste, mais en même temps, c'est pas très étonnant vu le contexte de la ville, vu la quantité de public. C'est, je veux dire, on a joué en Angleterre la semaine d'avant, Zurich 3 semaines avant, il y avait moins de monde que ça. Hein, donc, elle a fait des beaux chiffres. Cette scène est en train de faiblir de façon assez importante. Il y a, j'ai mes explications, je ne sais pas si elles sont vérifiables ou non, mais dès qu'on ne fait pas de l'électro aujourd'hui, on ne remplit plus les salles. Alors, c'est un petit peu le malheur, c'est le gros problème de ces musiques faciles et faussement séduisantes au premier abord. Mais dès qu'on attaque des projets un peu plus concrets, un peu plus réels, un peu plus justes, un peu plus sincères même, c'est là qu'on se rend compte de la véritable quantité du public. Alors on va l'appeler dark gothique comme on veut, sombre, obscur, peu importe. Mais c'est là qu'on voit ceux qui sont en train de rejoindre les rangs pour pavaner et ceux qui sont des véritables amateurs ou qui ont une oreille assez sensible pour comprendre la chose dans laquelle ils ont mis les pieds, en fait. Voilà. Donc, non, mais c'est normal. Il n'y a pas plus de monde aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans. C'est à peu près la même proportion. Je trouve qu'elle a fait un chiffre qui était presque prévisible. C'est malheureux, mais c'était difficile de faire plus. Alors après, je lui souhaite que le bouche à oreille fonctionne et qu'elle, comme elle a l'intention de renouveler... De faire un peu plus de monde mais vraiment c'était un sans faute pour quelqu'un qui organise pour la première fois. Obtenir un lieu comme ça, c'est très difficile au niveau des autorités. Je sais que dans le Nord ou ailleurs, il y a cette scène un peu dark a une réputation tellement affreuse que en général les mairies et le reste s'attendent à des choses tellement je sais que nous sur Rouen par exemple, quand on fait ce genre de choses, on a les RG qui sont là, hein, parce que je sais pas, il y a des tas de conneries qui circulent, bon c'est comme ça. Donc voilà, au niveau son, au niveau technique, au niveau... je sais pas, c'était... La soirée a eu lieu avec un accès difficile, avec des tas de choses. C'est bien. Et c'est vrai que l'endroit est complètement magique. Je veux dire, faire un concert dans la vraie vieille pierre comme ça, dans un endroit chargé d'histoire, ça se rencontre pas tous les jours. On n'a jamais eu un lieu sauvage comme ça. En général, malheureusement, tous les concerts un peu goth ou dark se passent dans des nightclubs. Hein. La loco, tout ce genre de salles, finalement, ce sont des discothèques, faut pas se faire d'illusions. Donc on est baigné dans une ambiance de dancing et de machin, et ça casse un petit peu toutes les ambiances que ce genre de musique un peu expérimentale essaye d'amener pour sortir justement d'une espèce de grosse musique booming populaire et autres. Donc l'endroit est idéal. Donc nous on a eu envie de se lancer, trouver un endroit comme ça, c'est un véritable rêve pour nous. Je veux dire, les gens qui connaissent un peu Rosa le savent plus ou moins, mais on a passé des années à se construire une sorte de fausse crypte en plâtre pour faire nos tournées, une sorte de reconstitution, comme si on faisait un décor entier de film, pour avoir quelque chose qui ressemble à autre chose que des murs de boîte. Et puis malheureusement, parce que faire un projet dans une église ou dans un endroit, classé, c'est complètement impossible. Pour nous, c'est le lieu dans lequel on se trouve a énormément d'importance, mais c'est pas propre à Rosard. Je veux dire, c'est propre à toute la démarche des années 80. Je reviens à Neubotten, par exemple. C'est un groupe qui prenait un plaisir énorme à jouer dans des usines désaffectées. Ça collait bien. Je veux dire, on vit dans une époque où la musique est devenue un petit peu audiovisuelle. Et le lieu où on se trouve est chargé d'une certaine force. Il y a d'autres groupes qui adoraient jouer dans des abattoirs. Le rapport à l'endroit est un peu typique des années 80. C'est le Bauhaus, c'est un rapport à l'architecture. Il y a des tas de choses qui sont là. Toutes les musiques froides sont liées au. Enfin, il y a un rapport sociopolitique au monde qui nous entoure. Un exemple qui me vient à l'esprit est la scène alternative de Berlin-Ouest de cette période de transition fin des années 70, début des années 80, à laquelle Wim Wenders avait fait référence dans son film Les ailes du désir. Oui, oui. Et on voit d'ailleurs Nick Cave avec je ne sais plus quel groupe. Ça devait être Birds et Party, peut-être bien, je ne sais pas bien. Allez. Mais en effet, c'est vrai que le lieu est important. Et Berlin, dans le contexte du centre du cœur de la guerre froide. Ça a créé beaucoup de choses dans cette musique. Hein. De toute façon, c'est vrai que tout est lié. Il faut voir tout ça avec un contexte sociopolitique. C'est important. Si c'est un mouvement culturel et musical, il est lié à un phénomène sociopolitique. Donc les phénomènes aussi bien de l'usine abandonnée. C'est le nom. Enfin, je reviens vraiment à Neil Button parce que pour moi, c'est l'exemple le plus parfait. Hein. Le nom du groupe parle d'un lieu abandonné, d'un lieu en démolition, etc. Et on avait tous, dans le début des années 80, une espèce de fierté à connaître tel endroit ou tel lieu dans lequel chaque groupe allait filmer, allait tourner ses clips. C'était, chacun avait son petit secret. Nous, à Rouen, on a nos fameuses petites grottes où on adore aller. Ici, voilà, à Grenoble, il y a cet endroit-là qui colle parfaitement à cet esprit. Et c'est une chance. Enfin, à Paris, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a eu à un moment les carrières de Meudon, que la ville de Meudon avait réaménagées avec des issues et il y a eu les carrières du Vexin aussi. Mais tout ça, ça n'existe plus. Ça a été. Je sais pas. Il y a eu Valpénil. Valpénil, oui, un petit peu. Le fameux château Valpénil et le château de Pierrefonds pendant une petite période. Enfin, je veux dire, cette scène a besoin de lieux un peu insolites. C'est important. Ça amène quelque chose de plus. Parce que, je sais pas, il y a un rapport à l'esthétique qui est très fort, qui est très important. Et c'est dommage de s'en priver. Alors, voilà, on est un petit peu aujourd'hui dans l'endroit le plus idéal qu'on pouvait trouver. Ça nous est jamais arrivé. Hein. Eh bien si, c'est arrivé ce soir, et on vous souhaite de renouveler l'expérience à l'occasion d'un prochain album.